Ouais. Paraît que c'est dangereux dans les discothèques et que toutes les soirées sont plus flippantes qu'une hypothèque. C'est pas ce qu'ils disent peut-être. Qui fait qu'on sape dessus, ça part en couille, on s'embrouille pour 9 ou 10 copecs. Hey, l'autre jour j'en discutais. Et quand tu dis que tu kiffes, quand même les gens te disent que t'es fou, aussi habile que t'es. Dans ces soirées tu risques t'es cool. Enfin tu risques t'es. Ne fais pas de pile, ok. Ce soir y'aura pas d'armes, pas d'âme et pas de filles bloquées. Je joue pas au pile, ok. Regarde autour de toi, y'a plus d'un style coquet. Elles sont plus de 1000, ok. Fais pas le type toqué. Car moi et mes collègues on a cramé que vous êtes pas tous pétés. Et si jamais tu veux, je le fous dans la soirée. Quand on va te faire sortir, faudra pas rousse péter. Et DJ où scriter. Paraît que c'est dangereux dans les discothèques. Paraît que c'est dangereux dans les discothèques. C'est dangereux dans les discothèques. Paraît que c'est dangereux dans les discothèques. Paraît que c'est dangereux dans les. Ouais, bon, les gars, c'est pas tout là. Faut que j'y aille avant que ma meuf fasse une scène, tu vois. Ah putain, check, ça fait même pas une heure qu'on est là. Regarde toutes les meufs qu'il y a. Ta meuf, elle te maîtrise ou quoi, putain? Rien à voir, Cody, tu sais, maintenant je suis père de famille. En plus, depuis que Fatia est enceinte, tu sais très bien qu'elle panique pour rien. Alors arrête. Ok, Niata, à plus. Bon, Speedy, on s'attrape plus tard, hein. On fait comme on a dit. Ouais, je te vois tout à l'heure, de toute façon. Bon, à plus tard, check. Ok, Cody, à plus. Et oublie pas de faire la vaisselle, hein.